Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, vous entendrez l'émission L'expérience des autres, animée par François Babi. Je pense que ça serait presque redondant de dire que notre invité ce soir, c'est un homme d'expérience. Bien sûr, un invité à l'expérience des autres, à l'expérience. Mais quand je vous l'aurai nommé, vous admettrez sûrement qu'il a accumulé une richesse d'expérience assez extraordinaire. D'abord, je devrais dire qu'il est prêtre. Il est curé d'une paroisse de Québec, paroisse qui s'appelle la paroisse Saint-Roch, située dans l'aire numéro 10. C'est aussi, j'ose pas dire, un homme public, mais même s'il a tenté sa chance aux dernières élections municipales comme candidat à l'échevinage. Je pense que maintenant vous savez de qui il s'agit. Nous accueillons ce soir Mgr Raymond Lavoie, curé de Saint-Roch, donc, et aussi homme public. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Si vous me permettez, Raymond Lavoie, le public aurait tout de suite le goût, j'en suis sûr, nos auditeurs, que je vous pose une série de questions sur la dernière de ses expériences. Mais ça ne vous fait rien, on va attendre, parce que je pense que ça serait brûler un homme que de parler de sa dernière expérience. Et on va commencer peut-être, comme on le fait généralement à l'expérience des autres, en parlant de votre vie d'enfance. Vous êtes né à Sainte-Perpétue. C'est bien ça. Ça s'est passé comment? Ma naissance semble avoir été un succès remarquable, puisque j'ai survécu sans être malade à peu près depuis lors, depuis 50 ans au-delà. Et mon père était notaire à Sainte-Perpétue, chose un peu étonnante. Il s'était enfoncé dans ce qui était la forêt à l'époque, il y a 50 ou ben, à peu près 60 ans, oui, parce que, ayant terminé ses études de droit avec un bon nombre de dettes, comme il convenait, on ne pouvait pas emprunter à l'époque, il fallait supporter soi-même ses dettes. Alors, le curé de la place qui lui avait enseigné alors qu'il était étudiant à Sainte-Anne, lui avait dit, tu pourrais, Joe, c'était son nom, faire un peu d'industrie forestière ici, à Sainte-Perpétue, ça commence, c'est assez prospère. En ajoutant cela à ta pratique professionnelle, tu pourrais peut-être te tirer de ton pétrin financier plus rapidement. Alors, ça avait souri à mon père, et il s'est, je pourrais dire, un peu expatrié dans le fond du comté de Villette. Et à travers des chemins pontés, il n'y avait pas de route ni gravelée ni autrement, on voyageait comme on pouvait à l'époque. Et il a commencé à pratiquer là, et après 2 ans, il s'est marié. Alors, les enfants commençaient à arriver, moi j'étais le deuxième de la série. Mais il faut peut-être dire aussi que votre père, je pense, avait fait du grand séminaire. Oui, il avait fait ses études en théologie, et il était sorti du grand séminaire la veille du sous-diaconat, en se disant ceci, c'était un homme qui avait besoin de contact social intensément. Et ce qui l'effrayait, m'a-t-il confié plus tard, lorsque je fus devenu prêtre moi-même, ce qui m'effrayait, c'était de penser que je pouvais être vicaire dans une petite paroisse, très loin, avec un curé beaucoup plus âgé que moi, et avec qui le dialogue aurait été difficile, et je ne pouvais pas me résigner à la pensée que ce aurait pu être mon avenir. Et c'est cette frayeur, cette peur de la solitude, je pourrais dire, qui finalement lui avait fait conclure qu'il n'était pas fait pour la vie dans le clergé. Je pense qu'il avait très, très, très bien raisonné à ce moment-là, parce qu'autrement, je serais probablement resté dans l'espérance des hommes. les dernières élections de Québec auraient sûrement eu une autre tournure. Oui, sûrement, oui, je vous assure. Un cartel de moins parmi les humains. Il était resté tout de même très religieux, je pense. Très pieux et très fort moralement. Mon père était un homme pour qui je garde une très grande admiration. C'était un peu un aristocrate, je pourrais dire, par ses goûts, par sa culture, par ses lectures, mais qui vivait avec des gens qui étaient plutôt frustres au point de vue culturel, qui étaient bons, qui étaient sincères et qui étaient aussi capables de beaucoup d'efforts et de travail. C'était des laborieux que les gens de mon pays natal, les gens qui défrichaient les terres à cailloux et qui les cultivaient malgré les cailloux autrefois, vous savez, ils avaient du cœur au ventre et du muscle dans les bras. C'était ça les compagnons de vie de mon père. Père en banque, notaire, qui a été maire pendant 15 ans de la paroisse, et qui était un certain nombre d'autres choses en plus. Et tout en ayant des goûts d'aristocrate, je pourrais dire, il avait une très grande simplicité. Et je me rappelle que dans ma toute première enfance, ma mère, qui voulait avoir un lait qui fût parfaitement sûr au point de vue hygiénique pour ses petits marmots bien aimés, craignait la contamination. Elle trouvait que les soins hygiéniques n'étaient pas assez poussés dans le voisinage. Alors, elle voulait pas prendre le lait qu'ils vendaient ou qu'elle aurait pu acheter chez des voisins. Donc, mon père a décidé que pour satisfaire au goût de ma mère, il aurait une vache. Pas à la maison, mais tout près en arrière. Mais il avait également une aide familiale, des fois deux à la maison. Seulement, mon père trouvait que c'était pas convenable pour une jeune fille d'aller nettoyer l'écurie. Et c'est lui qui, deux fois par jour, allait faire le train, comme on dit. Si bien que cet aristocrate, toujours d'une tenue impeccable et d'un langage parfaitement soigné, il ne manquait pas une occasion d'employer même le subjonctif, ce qui était rare à l'époque et devenu complètement inexistant aujourd'hui, alors faisait son train deux fois par jour. Je vous avoue que ça m'a marqué profondément, ça. Cette mentalité de mon père, très attaché aux petites choses, très humble de la terre, et en même temps gardant sa distinction sur raffinement. Je dis, j'avais vu mon père manger à table autrement qu'avec son veston, par exemple. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Mais à l'époque, il y tenait, il trouvait que ça convenait. Alors, on était que les bambins autour de la table, et c'était quand même ainsi. Alors, c'est cette image de mon père, somme toute, qui, je pourrais dire, a profondément marqué ce que je peux avoir de personnalité. Je le découvre après avoir vieilli. Quand on est jeune, on s'en rend pas compte, on subit les influences, on prend des plis profonds et on réalise pas que ça vient du père. Mais dans mon cas, je me rends bien compte que dans le vôtre, François, ou dans celui de bien d'autres, c'est le papa qui a marqué ce que je devais devenir, quoi. Ça, c'est sûr. Écoutez, Raymond Lavoie, on vous retrouve par la suite étudiant au collège. Là, je suis tenté de vous poser une petite question. En vous demandant, écoutez, à juger par votre dynamisme aujourd'hui, étiez-vous un élève soumis, comme on disait à l'époque, un élève sage? En un sens, peut-être. Je n'ai jamais eu de très mauvais bulletins, mais je n'étais pas un élève soumis. J'étais un élève en bataille, en lutte, à un degré que je pense bien que je suis seul à pouvoir évaluer. Parce que j'avais eu le malheur de rentrer au collège à 9 ans pensionnaire. Or, à 9 ans, j'avais 2 ou 3 ans de plus jeune que les autres. C'était que la santé de ma mère ayant défailli, il avait fallu que les enfants soient placés pensionnaires plutôt que l'âge normal à l'époque. Et étant le plus jeune, j'étais inévitablement l'objet des taquineries de tout le monde. Taquineries qui étaient bienveillantes, je m'en rends compte, mais qui à l'époque étaient considérées par le petit bonhomme que j'étais comme très malveillant. Frustrante, sûrement. Très frustrante, oui. Et par-dessus le marché, j'avais un oncle qui était un deuxième père pour moi, mais on me le reprochait facilement. J'ai été appelé le neveu ou le nephew, si vous aimez mieux. Parce qu'on était bilingue à l'époque. Alors, ça m'humiliait au dernier degré. Alors, sur tous les plans, le plan du sport, le plan de la lutte scolaire, j'étais un peu moins avancé et moins préparé que les autres lorsque je suis entré. Il a fallu que je livre des combats titanesques, du moins qui me paraissaient l'être. Et quand je les regarde de loin, je trouve que pour un petit bonhomme, il était titanesque. Que je viens à bout de m'affirmer, plus faible que les autres, plus petit que les autres et puis moins développé que les autres, que je parvienne à flotter dans un ensemble qui me paraissait, somme toute, une meute déchaînée contre mes faibles ressources. Et c'est uniquement lorsque je suis arrivé à la puberté que j'ai commencé à acquérir un peu de musculature moi-même, que je suis parvenu à m'affirmer, surtout dans les sports pour lesquels j'avais une propension énorme. Alors, ces batailles de l'enfance sont des batailles qui, on peut dire, comportent le risque de toute la vie. Ou bien on les livre avec ténacité, et on vient à bout de passe à travers et on se forge de cette manière-là. Ou bien on se déclare vaincu un jour ou l'autre et on commence à dégringoler. Je pense qu'en réfléchissant sur les luttes de l'enfance de chacun, on doit trouver des choses comme celle-là. Ces batailles-là, qui sont très dures à vraiment parler, sont des batailles salvatrices. Ce sont elles qui, somme toute, obligent un homme à se dépasser, à atteindre le niveau qui lui est accessible selon ses dons, ses ressources. Et puis arrive le moment de la grande décision, Raymond Lavoie. Vous choisissez le grand séminaire. Bien sûr que vous avez fait allusion tout à l'heure à votre oncle qui était prêtre. On peut se dire c'est peut-être un peu à cause de ça. Mais il y a sûrement aussi peut-être d'autres raisons. Et oui, d'autres raisons. C'est assez bizarre, ça se situe dans une conversation d'un quart d'heure avec mon oncle, ma décision. J'avais justement décidé de prendre le droit. D'abord parce que mon père était en droit, était notaire. Et puis parce que les grands emballements dans lesquels la CJC de l'époque nous plongeait, avec son évocation des problèmes politiques en souffrance et des problèmes sociaux en souffrance également, m'avait amené à considérer qu'il fallait absolument, si l'on voulait faire du bien sur Terre, se lancer dans la politique. Vous voyez un peu que c'est un vieux rêve qui m'est revenu après 50 ans presque. Alors, cette décision était prise, j'avais terminé ma belle lettre et un bonsoir, mon oncle qui était venu passer quelques jours chez mes parents, il m'invite à venir prendre une marche avec lui. Bon, Moi, je partais pour jouer au tennis. Ça m'avait bien contrarié qu'il me demande d'aller marcher. J'avais pas l'âge de marcher. Et mon oncle, qui avait 40 ans à l'époque, me paraissait très vieux d'aller marcher après le souper. En tout cas, j'avais fait un petit sacrifice, comme on disait à l'époque, et comme on dit encore aux petits-enfants aujourd'hui. J'ai dit, bon, je m'avais marché avec mon oncle. Et au cours de la marche, quoi, je lui dis, mon oncle, je ne vous ai pas dit encore ce que je voulais faire, mais j'ai décidé de prendre le droit avec une intention bien précise de me diriger vers la politique un jour ou l'autre. Et mon oncle me dit, je te félicite, tu as un bel idéal et je t'encourage. Et il ajoute un petit mot qui était pour moi, je pense bien, un peu le chemin de Damas. Il dit seulement, peut-être qu'avec tous tes discours, tu ne feras jamais autant de bien qu'en réconciliant quelqu'un avec le bon Dieu par les sacrements que tu pourrais lui donner. Évidemment, tout le monde peut entendre cette phrase-là sans qu'elle ait quelque chose de déterminant pour lui, parce que tout le monde va dire c'est vrai ce que l'oncle a dit. Mais pour moi, c'était plus que vrai. Il y avait, comme je disais, mon chemin de Damas là-dedans. Là, j'ai saisi comme instantanément qu'en effet, je serais mieux d'aller ailleurs. Et j'ai dit à mon oncle, très bien, comme ça, je m'en vais au grand séminaire. Il s'est éclairé. J'ai jamais eu envie de changer d'idée seulement. Il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de... Ben, l'appel, c'était ça, une conversation avec un oncle dans un chemin poussiéreux, un soir en campagne. Le moment où je m'attendais le moins d'être appelé, comme on le dit, c'était justement celui où j'ai compris que c'était ça mon chemin. Mais Raymond Lavoie, c'est sans doute que cette phrase de l'oncle rejoignait quelque chose de même de profond chez vous. Ben, des préparations qui étaient celles du Saint-Esprit, oui, mais qui sont inconscientes. Hein. Moi, j'avais pris ma décision en belles lettres. J'étais considéré comme étant le gars qui parle avec une certaine aisance, qui prend un peu le leadership dans un bon nombre d'organismes locaux, intérieurs au collège. Et puis, ça me paraissait le prolongement normal de mes petits succès sociaux du collège que tu songeais à des grandes tribunes pour avoir des grands succès. Il y avait peut-être certaines vanités dans le fond, mais c'était pas conscient, en tout cas. Consciemment, je voulais vraiment atteindre, poursuivre un idéal. Alors, oui, il y a des préparations. Il n'y a jamais de génération spontanée, je pense. Quand on veut avoir la maternité divine, chez Marie, on fait l'Immaculée Conception quelques années avant. C'est comme ça chez tous les hommes. Il y a des préparations pour le mariage qui existent également. On n'est pas le mari qu'on est sans avoir été longuement préparé à être le mari qu'on est. C'est un peu la même chose, mais dans ma conscience, dans ma conscience, oui, c'est bien ma conscience psychologique, là, il y a eu ce moment-là qui était le tournant. C'était banal comme décor, mais c'est là que ça tournait pour moi, que voulez-vous. Alors, on vous trouve donc au Grand Séminaire. Réformateur déjà? Un réformateur. C'est assez étrange. C'était un peu une période de latence pour moi, le Grand Séminaire. Je me suis senti toujours un petit peu un poisson, je dirais pas hors de l'eau, mais un poisson qui manque un peu d'oxygène au Grand Séminaire. À l'époque, le Grand Séminaire était assez étouffant, je peux dire. Oui, il faut dire que physiquement, Raymond Lavoie, déjà, le Grand Séminaire de Québec, à ce moment-là, était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Peut-être, mais j'ai toujours eu un exutoire, vous savez, qui a eu une grande importance, je m'en rends compte à mesure que je vieillis, c'était le sport. J'en faisais comme un frénétique. Je n'ai jamais été capable de prendre une récréation en marchant en rond, pour palabrer sur les sujets les plus profonds ou les plus superficiels. Pour moi, c'était contre ma nature, ça. J'avais besoin de livrer une bataille sur un jeu de balle, contre un ballon attaché au bout d'une corde, n'importe quoi. J'étais quelquefois seul à faire du sport dans la cour, mais j'en faisais, même s'il pleuvait. Alors, on peut dire qu'il y a un certain fond de mon tempérament, probablement développé fortement par les luttes de l'enfance au collège, qui se sont exprimées à l'intérieur du sport, et c'était ma soupape, quoi, je pense. Le Grand Séminaire, je l'ai fait sincèrement, loyalement, de mon mieux. J'ai fait mes études, je pense, avec application. Puis, c'est en sortant de là, probablement, qu'il y avait des réserves refoulées qui se sont déclenchées. La prochaine étape n'a pas été sans explosion. Oui, on va y venir dans un petit moment. J'aimerais savoir tout de même, il y a peut-être eu des moments difficiles à traverser au Grand Séminaire pour quelqu'un qui, comme vous, est même très dynamique et vise à l'action. Et qui est cantonné jusqu'à un certain point dans les études, ou dans la solitude, ou dans la réflexion. Oui, certainement que l'homme d'action doit faire un effort plus spécial pour s'asseoir devant un bouquin, puis le passer à travers, pour réfléchir profondément. Je pense que oui. Ça faisait partie de la bataille de l'époque, et je pense qu'il fallait la livrer courageusement, mais elle s'est faite sans crise aiguë. Et pour moi, être appelé au sacerdoce, être appelé au sous-diaconat par mon évêque, ça comportait aucune charge émotive quelconque. Mon évêque m'aurait dit, ben, Monsieur Lavoie, ça semble bien que vous n'êtes pas chez vous ici, vous feriez mieux d'aller ailleurs. Bon, j'aurais dit, très bien, bonjour, Monseigneur, je m'en vais. J'ai l'impression que ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça. Peut-être que je me fais illusion sur moi-même. Mais émotivement, ça ne comportait aucune espèce de densité pour moi, là, d'être appelé. C'est, ça se situait vraiment pas au niveau de l'émotion, l'appel et la réponse, ça se situait au niveau de la foi puis de la confiance. Je peux dire, Seigneur, arrange-toi avec tes troubles, mais si tu décides que je deviens prêtre, alors, ben. ce sera tant pis, ou ce sera tant mieux. C'est à toi de régler le problème avec ta grâce. C'était aussi simple que ça. C'était très enfantin. Je pense que c'est la bonne façon de poser le problème. Simon Lavoie, je ne sais pas si votre entrée dans le monde a été fracassante, mais je sais que votre entrée dans le ministère l'a été, puisque après votre grand séminaire, on vous retrouve en enseignement au Collège de Lévis. Oui. C'est sans doute ce que j'ai fait avec le plus de goût, le plus de goût sensible, j'entends, presque de la passion. J'aimais l'enseignement profondément. J'étais extrêmement heureux d'aller en classe. Pour moi, c'était une joie profonde d'aller rencontrer des gars qui m'étaient confiés, qui changeaient d'ailleurs, parce que j'ai changé de classe quelques fois. J'ai eu plusieurs promotions, parce que des professeurs tombaient malades, on me montait de classe. Alors, ça n'a pas été très long, parce que vraiment, j'ai trouvé que le collège où j'avais passé 10 années d'internat, souffrait de certains retards par rapport au moins aux idées que j'avais, et qu'il fallait s'attacher soigneusement à le faire évoluer dans sa discipline, dans ses mœurs, dans ses usages sportifs, dans son insertion dans le milieu environnant. Alors j'avais organisé pendant ma première vacance de professeur un tour de Gaspésie pour 40 ou 50 gars, et on campait, et c'était considéré comme extrêmement audacieux à l'époque. J'avais aussi prétendu qu'il fallait que les élèves mangent la même nourriture que les prêtres, et j'avais organisé toute une série de démarches systématiques et répétées pour qu'on obtienne cet objectif qui paraissait souhaité par tout le monde, mais qu'en pratique on n'obtenait pas, parce que j'avais bien souffert pendant mes années d'internat d'une nourriture qui laissait beaucoup à désirer. Pendant 10 ans, j'ai pas bu un verre de lait, par exemple. Alors, si j'ai des bons os, ça ne dépend pas du calcaire des vaches de mon collège. Ça venait d'ailleurs. Alors, ça fait que ma carrière s'est terminée assez brusquement au cours de la deuxième année d'enseignement, et ça a été une très, très grande épreuve, je peux dire, pour moi. Parce que je croyais avoir raison, je pense encore, et la preuve d'ailleurs, c'est que la plupart de ces réformes qu'on suggérait autrefois sont maintenant choses acquises, et personne ne se rend compte que ça a déjà été autrement même. Alors, mais c'est une grande épreuve, donc je ne regrette pas. Je pense que il faut qu'on accepte de se purifier dans l'épreuve et dans des échecs qui sont des échecs de la personne, pas nécessairement les échecs de l'idéal, ni des idées qu'on a voulu prévaloir. Je trouvais qu'il y avait une espèce de justice sociale à établir à l'intérieur de cette petite communauté qui est un collège, que l'élève qui grandit, qui se développe, a besoin d'une nourriture plus riche que celui qui a atteint sa maturité et qui n'a plus rien à faire pousser, sauf peut-être ses cheveux et sa barbe. Alors, ça s'est terminé comment, cette première expérience? Eh bien, je suis devenu vicaire au beau milieu de ma deuxième année d'enseignement. Quoi. Bon, on vous annonçait tout à coup que vous seriez vicaire. On m'a annoncé que je serais vicaire du jour au lendemain, oui. Comme il y a eu apparemment certaines réactions, l'évêque du temps, le cardinal Villeneuve, est venu faire une grande enquête, a vu tous les prêtres, et il a donné une conférence à la fin de sa visite canonique en annonçant ceci. Et dans sa conférence, il reprenait à peu près tous les points qu'il avait essayé de défendre pour les proposer lui-même à la direction. Mais il terminait en disant « Seulement, mes chers amis, il faut bien admettre que c'est le chien qui mène la queue et non pas la queue qui mène le chien. Conséquence, je partais le lendemain. » C'est textuel. Mais c'était très amusant pour les autres, mais c'était assez humiliant pour moi. Et vous l'avez prise comment, l'expérience? Vous l'avez acceptée de gaieté de cœur? Ou... Oui, je pense qu'il faut l'accepter. Un peu mortifié, un peu humilié. Ah oui, c'était très, très douloureux, mon départ. Indiscutablement très douloureux. Je m'y pensais établi pour le reste de mes jours. Les performances académiques que j'avais rencontrées pendant mes études me laissaient croire que j'étais classé parmi les prêtres qui méritent d'enseigner et qui peuvent s'éloigner d'un ministère moins exigeant, pensait-on à l'époque, au point de vue intellectuel. Voyez-vous, j'avais bien mes petites prétentions. Et puis il y avait des préjugés du milieu et des usages établis qui les confirmaient bien d'ailleurs. C'est un peu révoqué maintenant, peut-être pas assez encore. Alors donc, Raymond Lavoie, on vous retrouve vicaire à l'Ange Gardien. Là, il faut dire peut-être, pour ceux qui sont loin de Québec, une petite paroisse de la Côte-de-Beaupré, fort jolie, fort gentille d'ailleurs, mais que vous n'avez pas non plus laissé comme vous l'avez trouvé. Non, je pense que c'est pas normal qu'on passe quelque part sans qu'il y ait au moins un petit caillou de changer. Je pense qu'à l'époque, il fallait faire beaucoup à l'Ange Gardien. Je me suis lancé là avec autant de vigueur que je m'étais lancé dans l'enseignement. Peut-être avec un peu plus de prudence, parce que j'avais été échaudé assez fortement. Il y avait beaucoup de problèmes à l'Ange Gardien. Ceux qu'on rencontre partout, ceux qu'on rencontre dans un milieu qui était un milieu de banlieue, où la population était en train de passer de agricole, qu'elle était depuis toujours, au niveau de population ouvrière. si bien qu'il y avait le conflit très aigu entre des emplacitaires qui faisaient des enfants, mais qui ne payaient pas beaucoup de taxes parce qu'ils n'avaient qu'un emplacement, et des cultivateurs qui avaient de grandes terres, qui payaient beaucoup de taxes, et qui étaient obligés de supporter les résultats désastreux au point de vue de l'assiette fiscale de la prolifération des emplacitaires. Vous voyez un peu le problème? Oui, d'accord. Bon, alors, tout le phénomène d'urbanisation, au fond, hein, si vous voulez, oui. À ce point tournant de l'urbanisation, où le cultivateur est encore assez présent sur le territoire pour vouloir garder le contrôle de l'administration locale, alors que les emplacitaires sont devenus plus nombreux. Et ça fait comme résultat que les cultivateurs qui étaient détenteurs du territoire ne voulaient pas vendre leurs terres, parce que s'ils vendaient des lopins de terre, s'ils faisaient du lotissement, alors il y aurait de plus en plus d'emplacitaires. Et par conséquent, l'injustice évidente de la taxation, qui était à leur détriment, puisque c'était l'imposition foncière et l'évaluation foncière qui fixait le niveau de la taxe municipale et scolaire, aurait été davantage encore à leur détriment à mesure qu'ils auraient vendu de nouveaux terrains. Il fallait tenter de renverser cette espèce de pression-là. Puis, je pense qu'il était important de la renverser parce que la population de Langerdien, la jeune population, celle qui pouvait être l'élite de demain et d'après-demain pour ce milieu humain et chrétien à la fois, émigrait vers d'autres localités où le même problème n'existait pas. Si bien qu'on perdait la jeunesse qui était la plus intéressante à garder à mesure qu'elle se mariait, qu'elle s'établissait, et que ceux qui restaient sur le territoire au moment où ils se logeaient, ben, s'installaient dans la cave de leur père ou dans le grenier de leur mère, divisaient, surdivisaient. On commençait déjà à voir, voyez-vous, en pleine campagne, le problème de l'édification des taudis, à même le domicile ancestral. Il fallait faire quelque chose. Et c'est avec un groupe de jeunes, c'était la Ligue du Sacré-Cœur des jeunes à l'époque, mais qui s'occupait de bien d'autres choses que de la seule dévotion au Sacré-Cœur, on s'était mis à réfléchir à la chose. Est-ce que je viens de vous dire, je vous résume tout ça, là, mais ça a pris des mois avant de découvrir tout ça. Hein. Et on a dit, il faut absolument qu'on essaie de faciliter, de débloquer l'embâcle que posent les cultivateurs, et c'est par une coopérative d'habitation qu'on va réussir. Alors, on a décidé de fonder une coopérative. Et ça, il faut dire que c'était révolutionnaire. À l'époque, oui, parce que c'était à peine commencé dans la province de Québec. Ça existait sans doute ailleurs, mais ça venait à peine de s'amorcer dans un ou deux coins de la province. On n'avait pas les lois qu'on a maintenant, on n'avait pas la Société centrale d'hypothèque et de logement, et encore moins la Société provinciale d'habitation, pour subvenir, pour financer, pour supporter un effort comme celui-là. Tout faire de ses mains, des choses qu'il a fallu faire, par exemple. Même un journal. Même un journal, oui, c'est ça. C'est que on n'y avait pas d'argent à la Caisse populaire. C'était la seule entreprise qui pouvait nous prêter pour construire, c'était la Caisse populaire, mais n'avait pas de fonds. Tous les gens de l'Ange gardien déposaient à Québec. Ce sont de vieux Normands sur la côte de Beaupré. Ils n'ont toujours pas que le voisin sache qu'ils ont de l'argent. Alors, ils déposaient à Québec, comme ça, personne ne savait, pas même le gérant. Il a fallu fonder un journal pour décider les gens à rapatrier leurs fonds, leurs épargnes, à les déposer à la Caisse populaire, qui s'est trouvée prise au mot qu'elle nous avait dit un an auparavant, avant la fondation du journal, qui a bien été obligée de nous prêter lorsque les épargnes ont doublé ou triplé les épargnes qu'elle détenait en dépôt. Et à ce moment-là, on a pu avoir un peu de fonds et commencer à creuser un canal d'égouts et d'aqueducs, s'il vous plaît. Il n'y en avait pas dans la paroisse, on avait encore les égouts individuels. Puis nous autres, nous voulions avoir notre égout collecteur et notre aqueduc pour notre coopérative. On a tout fait ça. On a acheté un terrain, on a construit des maisons. C'était une très belle aventure et une très grosse lutte en même temps. Mais ça s'est soldé comment? Vous en avez construit des maisons? Oui, oui, oui. C'est une coopérative maintenant qui existe en Gerdien et qui ne fait pas de fracas naturellement parce qu'elle est relativement petite. Il y a eu d'autres facteurs qui sont intervenus par après et qui ont permis à ce problème de la localisation et de l'établissement des jeunes de se solder, de se régler beaucoup plus facilement. L'ouverture du boulevard Saint-Anne, par exemple. Alors, ça a déclenché, je pense, la construction sur des voies qui ne pouvaient pas être utilisées à l'époque. On était en plein clos, je pourrais dire, en plein marais, quand, au bord du fleuve. Là. À 4 années de ministère, tout de même assez fécond et assez heureux. Oui, j'étais très heureux à l'Ange gardien, c'est sûr, et je n'ai gardé que des amis là-bas. Et pour une fois, je ne me suis pas fait mettre à la porte. J'ai été déplacé, mais je n'ai jamais su trop pourquoi. Mais c'est sûrement pas parce qu'on désirait que je m'en aille. Cette fois-là, j'en suis sûr. Et on vous retrouve par la suite, Raymond Lavoie, vicaire à la paroisse de la Basilique de Québec. Oui, à la Basilique de Québec. Je me suis demandé si l'évêque ne voulait pas me rapprocher un peu pour me surveiller ou m'étudier. Enfin, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Ou vous faire monter, peut-être éventuellement. Bon, j'en suis rien là. Je ne peux pas dire. Hein. Il y a des tractations, vous savez, qui se font dans les officines épiscopales et auxquelles on n'assiste pas. Alors, les intentions du cardinal Villeneuve à l'époque, je ne les connais pas, mais enfin, il m'avait dit au moins, on voudrait vous faire étudier les sciences sociales à l'université. Alors, on vous rapproche un peu, mais je n'ai jamais été étudié, du moins, pas dans ces années-là, les sciences sociales à l'université, sous l'égide de ce dangereux Père Lévesque, dont un certain premier ministre a déjà dit tant de mal, mais qui a été un grand bienfaiteur pour nous quand même, je crois. Alors, j'étais vicaire en Angleterre, en pleine ville, dans un quartier complexe, où il y avait beaucoup d'étudiants, beaucoup d'employés civils. À la Basilique de Québec, oui, c'est ça. Et puis, avec un ministère qui était très difficile à organiser, parce que nous avions des cadres très, très âgés à ce moment-là, la direction de la paroisse est malade à part de ça. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'initiatives qu'on pouvait prendre sans risquer des contre-coups ennuyeux et sans rendre malheureux des gens qui n'étaient pas en mesure de livrer les batailles de l'époque. Je crois. Au fond, vous étiez peut-être Raymond Lavoie dans la situation que votre père avait craint ou dans laquelle votre père avait craint de se trouver à un moment donné. Peut-être, mais heureusement, les événements m'ont permis d'avoir des exutoires encore là, parce que j'ai commencé à faire un peu d'enseignement à l'école de commerce, à m'occuper du scoutisme au plan diocésain. C'est là que je vous ai connu, un illustre chef à l'époque. Et qu'est-ce qui est survenu à part ça? Donc, d'autres échappées qui sont survenues un peu partout. Oui, l'hôtel de ville. Je suis devenu aumônier du syndicat des fonctionnaires à la ville. C'est je pourrais dire, un avantage que j'ai eu considérable de m'initier à la vie syndicale, avec des gens qui étaient tout à fait exceptionnels à la tête du syndicat, comme René Bélanger, qui est encore le président de la Fédération provinciale des syndicats de fonctionnaires, et d'autres encore pour qui j'ai gardé une grande estime. Je pourrais dire que j'ai découvert un petit coin du monde de plus, là. Mais un ministère tout de même très difficile à exercer. Oui, très difficile à exercer. Parce que la basilique, ça fait partie du centre-ville. Et c'est un peu comme Saint-Roch actuellement. Nous sommes... je pourrais dire, obligé d'accepter, de recevoir les problèmes d'un peu tout le monde. Tous ces passants qui sont en besoin financier, qui sont en besoin moraux aussi parfois, qui ont des problèmes de... des échecs de toutes sortes, et des évasions de toutes sortes aussi, et qui cherchent des confidents, ou qui cherchent des bailleurs de fonds, ça arrive très souvent aussi. Seulement dans la journée d'aujourd'hui, j'ai dû être sollicité 7 ou 8 fois au moins, pour avoir des fonds. Alors, vous voyez, à Saint-Roch, c'était un peu comme ça, la Basilique. On pouvait passer 10 heures au parloir avec les problèmes de tout le monde, pas seulement les problèmes du milieu de la paroisse, mais le problème de tout le monde. C'était des paroisses très ouvertes sur tous les flancs, et par conséquent, il fallait accepter d'être accueillant pour des gens partout. Je me rappelle une fois à la Basilique, un bon soir du carême, un samedi soir, vers les 9 ou 10 heures, arrivent 2 automobiles bondés de gens qui arrivait du fin fond de, je sais pas trop, Témiscouata ou même plus loin, le Rimouski, je crois plutôt. Ils avaient décidé de venir à confesse à Québec. Ils étaient venus spécialement à Québec pour se confesser à l'évêché. Ils s'étaient trompés, ils étaient venus au presbytère de la basilique pour se confesser. Puis ils repartaient tout de suite après, parce qu'ils avaient des problèmes compliqués. Alors voyez-vous, des choses comme ça nous arrivaient à la basilique de Québec, parce que c'est centre-ville, puis c'est basilique, et que ça a un certain... prestige, je pourrais dire, aux yeux des gens. Oui, il y a des problèmes qui n'est pas facile de régler de façon permanente. Je pense aux conditions de logement, je pense aux conditions sociales. Ah, bien sûr, la basilique avait été, comme Saint-Roch a été autrefois, le lieu où habitaient tous les juges, tous les avocats, tous les médecins, tous les professionnels, quoi, qui fréquentaient l'Hôtel Dieu, qui fréquentaient le Palais de Justice, et le reste. Et cette situation privilégiée, en un certain sens au moins, de ce milieu de la basilique, s'était détérioré dans les 10 dernières années avant que j'y arrive. Et finalement, les maisons assez somptueuses que ces messieurs avaient habitées autrefois avaient été surdivisées à la faveur de la guerre et étaient devenues somme toute des amoncellements de petits logements ou de flats où s'entassaient des gens de partout, restaient accrochés à la ville après la guerre parce qu'on n'avait pas envie du tout de retourner à la campagne après avoir connu la ville qui avait attiré à cause de ces chantiers, de ces chantiers militaires. Ben, alors... on était pris avec une population comme ça qui était, je pourrais dire, qui vivait dans des conditions très défavorables et souvent très pénibles, et qui avait par conséquent beaucoup de problèmes. L'habitat, je pense, est souvent à la mesure du problème de l'homme qui l'habite. L'habitat configure l'homme et l'homme configure l'habitat. C'est un peu le conflit du monde d'aujourd'hui, lequel des deux gagnera. L'habitat qui écrasera l'homme ou l'homme qui viendra à bourg, qui parviendra à ériger son habitat de manière à ce qu'il puisse s'y épanouir. Dans le cas, c'était certainement l'habitation qui avait pris le dessus. et l'homme était écrasé, je pourrais dire. Alors, ça fait des problèmes complexes au point de vue pastoral. Je pourrais dire pastoral et puis social. C'est pas facile de les dissocier. On est toujours obligé d'accepter les deux aspects des problèmes humains en même temps et de les traiter avec l'aide des spécialistes le mieux qu'on peut. Il y a, Raymond Lavoie, par la suite, une année d'études qui se situe là, dans votre carrière, qui, j'ai l'impression, est une année assez importante. C'est presque l'occasion, je ne dis pas d'un second souffle, mais enfin, peut-être l'occasion pour vous de repenser une série de choses. Et on vous retrouve par la suite au Monnier des étudiants à l'université. Et ça, je pense que ça n'a pas été une sinécure, non? Non, naturellement. Le milieu universitaire est un milieu qui est difficile à pénétrer, peut-être un peu, parce que les étudiants qui y sont n'ont pas du tout l'intention de s'implanter. C'est-à-dire que c'est presque pas un milieu. En autant que pour qu'on ait un milieu, il faut qu'il y ait une certaine stabilité, un certain enracinement des gens qui s'y trouvent. C'est dans l'intention de ceux qui s'y trouvent définitivement quelque chose de transitoire. Et tous les gars qui sont à l'université sont dominés par deux soucis. J'ai l'impression qu'on oublie ça parfois. Quand on voudrait les lancer dans toutes sortes de batailles et leur mettre sur le dos toutes les croisades de la société d'aujourd'hui, on oublie que le gars qui est à l'université, il y a d'abord deux combats à livrer. C'est le combat pour se marier. Celui-là, on n'y pense pas assez. Le type qui est à l'université, il est en amour. Ou s'il ne l'est pas, il a grand désir de l'être parce que son mariage, il se fera entre 20 et 25 ans, ou tout au plus entre 25 et 30 ans. Et ça se bâtit, ça se construit pendant les études universitaires. Et c'est l'occasion de bien des tiraillements, de bien des hésitations, de bien des souffrances aussi. Je pense qu'on ne peut pas faire la carrière amoureuse de l'amant qui prépare son foyer sans avoir à souffrir beaucoup, tant que ce n'est pas définitivement arrêté, fixé et lancé, cette affaire qui s'appelle le mariage et la famille, ça se prépare, souvent dans l'angoisse même. Les gars qui sont à l'université sont donc des gars un peu douloureux. Ils ne l'avoueront pas naturellement, ils ont leur orgueil de mâle, mais enfin c'est ainsi. Ils apprennent à découvrir ce qu'est une femme, bien souvent, à l'occasion de leurs études universitaires. Et ce sont aussi des gars qui sont tiraillés par la crainte de l'échec. Ils ont une profession dans laquelle ils veulent entrer. Et on n'y entre pas non plus sans sueur et sans labeur, tout le monde le sait. Il y a des études, il y a des examens, il y a des contrôles, il y a des tensions nerveuses, il y a des craintes et parfois des échecs à subir. Et tout ça, ça domine la vie de l'étudiant. Je pourrais dire que sur le plan social, il est en période de récession complètement, parce que ces problèmes-là sont trop aigus pour qu'ils puissent y échapper. Et alors, quand on entre, si vous voulez, comme pasteur, comme aumônier dans ce milieu-là, il faut bien accepter d'entrer dans un milieu qui a de très lourdes charges, qui souffre de sa solitude. À 20 ans, à 25 ans, l'homme, voyez-vous, s'est éloigné de son foyer. Il n'est plus dans une cellule. Il est largement émancipé de la cellule qui lui a donné naissance. C'est nécessaire qu'il le soit. Il n'a pas encore construit sa propre cellule. Il est un peu comme le homard entre ses deux carapaces. Et c'est toujours une situation périlleuse que d'être entre deux carapaces. Alors, celui qui entre comme pasteur dans un milieu comme celui-là doit accepter de partager beaucoup de souffrances, beaucoup d'angoisses, et accepter que personne n'ait l'air d'avoir des problèmes, mais que tout le monde en a de très graves. Et c'est très accaparant. L'université, j'ai aimé beaucoup mon séjour. J'essayais d'y être présent parmi tous. Je faisais du bureau dans toutes les facultés. J'étais moins présent peut-être dans un unique bureau où on peut toujours me trouver, mais j'étais présent de façon circulaire un peu partout. À l'époque, c'était encore possible de le faire. Je m'arrangeais pour aller dans toutes les classes au moins une fois par mois. J'avais des professeurs complaisants qui me donnaient un petit bout de cours, un petit 10 minutes, et je faisais des petits prônes un peu partout. J'avais des messes d'étudiants, un certain nombre d'organismes étudiants également qui faisaient la mettre sur pied pour aider à la préparation au mariage, et puis un certain nombre de rencontres avec les jeunes filles. Parce que pour un gars qui est à l'université, il y a au moins 3 jeunes filles qui vivent d'espérance à son sujet. Il faut accepter de rencontrer parfois des espoirs déçus ou des espoirs en train de se consommer. Alors, oui, c'est un milieu très attachant. C'est un milieu, cependant, où l'on s'épuise vite parce qu'un gars de Laval, ou d'ailleurs, ça n'a pas tellement de régime de vie. C'est commandé par autre chose que le cadre traditionnel d'une famille, repas à telle heure et le reste. Alors, il faut être disponible quand les gars ont un moment de libre. Et le moment libre est peut-être à minuit aussi bien qu'à midi. Donc, il faut être disponible jusqu'à, je pourrais dire, l'érosion de ces résistances nerveuses, parfois. Au bout de 6 ans, avec tous les cours que j'essayais de donner aussi sur l'initiation biblique, par exemple, aux étudiants ou d'autres thèmes parallèles, alors j'étais vraiment fatigué. Pas lassé, mais fatigué, nerveusement. Enfin, l'expérience s'est terminée au bout de 6 ans. Et j'ai eu un changement d'orientation complet à ce moment-là. Mais là encore, vous avez laissé une cathédrale, ou du moins une toute petite cathédrale, puisque vous aviez fait construire une chapelle, je me rappelle encore de ça. Et il y avait une petite clochette qu'on pouvait d'ailleurs utiliser à toute heure du jour et de la nuit. Ah oui, c'est ça. Et oui, il fallait bien que le monnier logeât quelque part. Hein. Au début, lorsque je suis arrivé, le monnier, c'était un bonhomme, c'était un prêtre du séminaire, qui restait au séminaire et qui s'en allait, je pourrais dire, promener sa présence réelle à travers les étudiants en revenant au séminaire tous les soirs. Et avec Mgr Vendry, j'avais beaucoup argumenté pour lui dire qu'il faut quand même qu'il y ait une espèce de communauté chrétienne centrée sur quelque chose de visible, de tangible, sur un minimum de culte. On ne peut pas remplacer toutes les parois de la ville, mais je pense que les gens ont besoin d'avoir des facilités plus grandes. Et je ne peux pas simplement, moi, me promener dans les corridors. Il faudrait qu'il y ait quelque chose. Et là, Mgr Vendry avait accepté ce point de vue. Il y a eu une résidence, une aumônerie, comme on disait à l'époque, qui a été construite. Il a fallu ensuite que j'aie du monde dedans. Et là, j'ai été obligé d'employer des astuces terribles. On m'avait mis tout seul dans ma maison. Et puis, je trouvais que si j'organisais quelque chose, je ne pouvais pas réussir tout seul. D'autant plus que je donnais des cours aux étudiants en religion ou en théologie, si vous voulez. Surtout en initiation biblique. Puis, alors, j'étais pas toujours à ma maison. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un présent? Justement, à cause de ce manque de consistance du régime vital des étudiants. Il fallait être soi-même disponible toujours. Alors, j'avais été obligé d'employer une astuce assez forte avec le recteur pour obtenir qu'il me donne un autre prêtre. J'ai trouvé un bon jour, après avoir manqué mon coup avec d'autres arguments, j'ai dit, Monseigneur, ça me paraît très dangereux de laisser un prêtre tout seul dans une maison comme ça, à l'autre bout de la ville, personne pour le surveiller, il pourrait faire n'importe quoi, il pourrait vivre dans des conditions désastreuses au plan moral, personne ne le saurait, ça me paraît très dangereux. Le lendemain, j'avais un prêtre avec moi. C'était un succès. Le chantage, j'avais réussi. Pardon, mais au moment de votre départ, c'était tout de même aussi un milieu qui avait très évolué. Vous vous trouviez, en somme toute, Raymond Lavoie, face à une jeunesse très alerte, à une période où de plus en plus l'Église était contestée. C'était avant le Concile. Oui, c'était avant le Concile, c'était dans les années 55, 56, 57, ça. Et oui, l'Église était contestée, c'est bien certain que tout ce qui a comme éclaté à la faveur du Concile, tout ce qui... Oui, c'était déjà pressenti par les étudiants. Mais je pense quand même qu'il n'y avait pas cette sorte de révocation de la référence à Dieu qu'on rencontre maintenant, je ne dirais pas chez tous les étudiants, mais dans certaines attitudes de groupe, par exemple. C'était pas considéré comme anormal qu'il y ait un aumônier. Au contraire, je pense que c'était l'ami pour tout le monde. Moi, je ne me rappelle pas avoir eu la moindre difficulté de dialogue avec qui que ce soit, ni chez les professeurs que je connaissais tous ou à peu près à l'époque, ni chez les étudiants. Je ne dirais pas que tout le monde était devenu un pratiquant d'une ferveur et d'un zèle extraordinaire, mais dans l'ensemble, le ministère, la pastorale, était inséré dans la vie des étudiants de façon à ce que personne ne songe à la mettre en cause. On mettait en cause bien des choses, mais pas ça. Je pense qu'on aurait été absolument incapable de comprendre le rapport Deschênes de l'Université de Montréal, par exemple, qui met en cause, lui, l'existence d'une pastorale chez les étudiants. Ça aurait pas été accepté des gars dans l'ensemble à ce moment-là. Ça aurait été hors de leur conception, complètement. Et la contestation? Chez les étudiants? À ce moment-là? Elle n'était pas organique, la contestation, comme on peut la trouver aujourd'hui. Il y avait des noyaux d'étudiants qui étaient assez actifs. Il y avait, par exemple, au Carabin, des alternances de rédacteurs de droite et de rédacteurs de gauche. Une année, c'était ceux de gauche qui prenaient le contrôle. L'autre année, c'était ceux de droite. Mais c'était le cas d'un assez petit nombre d'étudiants, puis qui n'avaient pas une influence énorme. Je pense pas. Ceux de gauche, pas trop. Puis ceux de droite, peut-être pas trop non plus. Non, je suis demeuré convaincu, moi, que le monde étudiant, c'est encore vrai aujourd'hui, je crois, sauf en quelques éléments qui sont relativement marginaux, est dominé par les deux problèmes fondamentaux dont je vous parlais tantôt, et que celui qui voudrait ignorer cela passera toujours à côté du milieu étudiant, il ne connaîtrait pas. Je crois que c'était le cas autrefois, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, ça. Alors, la contestation organisée, systématiquement, il y avait des grands malheurs permanents, il y avait des grandes plaintes, des grands gémissements permanents, contre les régimes d'examen, par exemple, contre les systèmes de enfin, de mise à pied imprévue ou imprévisible contre des prophéties que avaient toujours chaque année les étudiants de première année de sciences. C'est entendu, messieurs, leur disait-on toujours au début de l'année, il y en a au moins 40% d'entre vous qui ne réussiraient pas à faire votre année et qui retourneraient ailleurs l'an prochain. Évidemment, il y en avait toujours 80% qui se sentaient atteints par cette menace qui, en fait, n'atteignait que 40%. C'était des malheurs permanents, ça. Mais je pense que ce n'était pas à l'état d'explosion organisée et systématisée par des leaders qui ne se souciaient pas d'incarner ces protestations latentes chez les étudiants puis de les porter jusqu'au trône du gouvernement local. C'est peut-être parce que ça ne se faisait pas que certaines évolutions qui sont réclamées et accordées, semble-t-il, dans une certaine mesure, beaucoup plus facilement aujourd'hui, n'ont pas eu suite plus tôt. On aurait pu, je pense, avec un peu plus de contestation à l'époque, empêcher que des situations ne se détériorent jusqu'à des explosions ennuyeuses qui sont survenues ces derniers temps, parce qu'on avait trop tardé à régler des problèmes. Par exemple, on ne connaissait que très peu l'éducation active à l'époque. On connaissait que le cours magistral et je pense que toutes les méthodes de participation beaucoup plus intenses des étudiants à leur propre formation qu'on utilise maintenant sont bien préférables et sont de nature à intéresser l'étudiant davantage. Si on avait davantage crié dans ce sens-là, je pense qu'on aurait rendu service à tout le monde à l'époque. Mais enfin, c'était senti, c'était pressenti, mais c'était latent, ça n'explosait pas. Donc, expérience qui, physiquement, Raymond Lavoie, vous a usé sûrement, comme on disait tout à l'heure, à cause de ce régime de vie, et on vous retrouve aumônier diocésain des œuvres d'Action catholique. Oui, j'ai fait un petit stage de 2 ans d'enseignement en philosophie, entre-temps, ce qui m'a permis de découvrir Aristote. C'était une des grandes révélations de ma vie. Pendant mes études de philosophie, même au grand séminaire, on nous avait toujours parlé d'aristotélisme, mais sans jamais... Vu par saint Thomas. Vu par saint Thomas, oui. Mais les œuvres philosophiques de saint Thomas, je les avais à peu près pas abordées non plus. L'occasion m'en avait pas été donnée. Enfin, pour moi, la découverte d'Aristote et de certains grands philosophes d'autrefois, de l'époque grecque plus récente, a été une révélation extraordinaire. J'avais une joie intense à lire Aristote. Mais j'ai dit, enfin, combien ceux qui ont essayé de le reproduire ont-ils perdu le sens de la philosophie tout en prétendant philosopher? Lui, il sait philosopher. Enfin, c'est un des grands sages du monde entier. Et il ne prétend pas faire de la philosophie. Non, il ne donne pas un cours de philosophie. Il se met en marche philosophant et nous invite à marcher avec lui philosophant. Ce qui est la vraie philosophie, c'est une action de philosophier et non pas une chose tout établie et tout arrivée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on devrait continuer à être en action de philosopher. Et c'est pour ça qu'on vous a retrouvé 2 ans enseignant la philosophie au collège universitaire. J'ai découvert au moins ce que je viens de vous dire. Mais il y a ce stage, comme on voyait, diocésain des œuvres d'Action catholique. D'ailleurs, quelques temps après, on retrouve... avec la dignité de Monseigneur. Je ne cacherai pas que certains ont dit que c'était Monseigneur Lavoie se casait, qu'enfin l'establishment l'avait gagné et puis que tout rentrait dans l'ordre. La contestation, c'était fini. Ou la réforme, je devrais dire, c'était fini. Je pense qu'on s'est trompé. Oui, enfin, cette histoire de prélature qui nous survient à un moment donné était pour moi une épreuve, presque une humiliation. Enfin, je pourrais dire, ça m'est venu, je ne sais pas trop pourquoi, parce que la situation que j'avais, aumônier général des mouvements d'action catholique et directeur de la pastorale scolaire avec 4 ou 5 autres titres à peu près, enfin, qui avaient autant d'envergure en même temps, ça appelait apparemment pour que suppléer à l'incompétence du titulaire, ça appelait un titre qui puisse suppléer. Mais pour moi, c'était un peu une humiliation parce qu'à l'époque, j'étais un peu avant le concile, mais j'étais déjà parfaitement de l'avis de ceux qui trouvaient que l'Église ne devait pas être une cour monarchique où on rencontre non seulement des princes, mais aussi des courtisans avec leurs titres de marquis, de baron, de comte. Ou baronnet, même. Ou baronnet, oui, mais des chanoines et des monseigneurs, c'est un peu ça. Ce sont les courtisans affublés de titres dans la cour d'un monarque. Je trouvais que l'Église ne devait pas avoir ce visage-là qui a été révoqué par le monde dans lequel nous vivons. Et si nous maintenons, nous, ce visage, nous devenons anachroniques. Pas parce que c'était méprisant en soi, au fond, ça n'a pas grande importance qu'on porte un ceinturon rouge ou un ceinturon noir. Les dames changent de couleur 3 fois par jour dans leurs vêtements, puis on ne leur en fait pas grief. Ça pourrait être la même chose chez les hommes. Mais c'est parce que c'est le symbole à quoi c'est rattaché. Je ne méprise pas ces choses-là, mais j'avais l'impression que je plongeais dans un Moyen-Âge qui me paraissait dépassé par le 20e siècle en recevant ces charges-là, en fait. À ce point, d'ailleurs, que vous avez entrepris une transformation du mouvement d'Action catholique, est-ce que vous êtes à l'origine de la crise ou si elle était déjà là? Ben, j'imagine que les éléments, en tout cas, étaient déjà présents. Oui, oui, je pense que ce que j'ai pu faire de mieux quand j'étais à l'Action catholique, ça a été de m'intéresser à fond à des groupements qui n'étaient pas intégrés à l'Action catholique et qui n'étaient pas intégrables parce qu'on ne les acceptait pas comme tels. C'était les mouvements conjugaux qui étaient déjà nés, mais qui sont tous nés, ou presque tous en fait, d'anciens militants des mouvements d'Action catholique traditionnels qui étaient devenus dissidents ou qui s'étaient désintéressés et qui avaient cherché quelque chose de plus authentique et dans lequel ils fussent davantage engagés avec leur initiative et qui avaient créé toute une gamme de mouvements conjugaux, d'étiquettes différentes, mouvements qui étaient, je pourrais dire, assez coupés les uns des autres. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu en m'intéressant à eux, je pourrais dire un peu en soliste, ça, parce que ce n'était pas accepté dans le milieu de l'Action catholique officielle. À l'époque, on croyait qu'au mouvement d'Action catholique spécialisé. Alors, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les aider, ceux de mon quartier, au moins ceux du diocèse, à évoluer, à se rencontrer, à se connaître, à se retrouver, pour aboutir finalement à ce qui est devenu une fédération de la famille, à des services qui sont nés de cette conjugaison des mouvements, comme le centre de consultation conjugale, et certaines autres choses aussi qui, je pense, sont très bénéfiques pour la société aujourd'hui. Moi, je crois sincèrement que les grandes forces de l'Église se trouvent principalement dans ces mouvements conjugaux, dans les personnes au moins qui les constituent, parce que ce sont des gens qui ont toujours gardé un souci d'alimentation de leur vie chrétienne et d'unification de leur vie profane avec leur vie chrétienne qui s'est exprimé par la création de formules de synthèse, comme ça. Et aussi. Alors, malheureusement, le temps nous presse un petit peu, Raymond Lavoie, il va nous falloir faire un bond encore en avant et bon vous trouver curé de Saint-Roch. Oui. Ça, je pense que c'est un grand moment pour vous. C'est un grand moment parce que c'est le moment du recyclage. C'est terrible de vivre au niveau des cadres toujours, et moi j'ai beaucoup de sympathie pour des évêques, par exemple, qui font tout ce qu'ils peuvent, mais qui forcément sont loin de la vie concrète et palpitante de tous les jours. À 47 ou 48 ans, je deviens curé, je suis obligé de laisser tous les cadres où j'étais, et je suis obligé de me recycler avec des gens qui sont dans l'ensemble d'un niveau culturel relativement faible, mais qui ont des richesses extraordinaires dans toutes sortes de domaines, celle du cœur, celle du bon sens, par exemple, pour ne parler que de celle-là, peu de ressources au point de vue économique, mais qui sont une population tellement sympathique que je suis obligé de me refaire complètement des structures mentales. C'est bien dur, mais je pense que c'est salutaire. Et finalement, moi, je me dis qu'il faudrait que tout le monde y passe. Il faudrait qu'après avoir dirigé longtemps, qu'on retombe au niveau de la base et qu'on y passe assez longtemps. Les religions ont un peu ce système-là. Ils ont des déchéances providentielles et voulues. Nous, dans le clergé séculier, on est censé monter tout le temps. C'est curieux. Mais je pense que pour aller au ciel, il faut savoir redescendre pour pouvoir remonter. Peut-être faire un peu comme les jésuites, partir de recteur pour devenir portier, ou à peu près. Quelque chose du genre, non, mais c'est très sain, ça, au fond, vous savez. Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre à la porte d'un collège. Et pas seulement au bureau directeur, on a quelque chose à apprendre. Enfin, pour moi, c'est une grâce incomparable que d'être devenu curé. Je découvre que c'est vraiment ça la fonction fondamentale. C'est là que le sacerdoce prend toute sa richesse et sa saveur, parce que là, il trouve son enracinement, sa raison d'être. C'est un service des autres, un service du peuple de Dieu, et l'Église, c'est d'abord le peuple de Dieu. Tout ce qu'on peut faire en dehors de ça peut être souverainement nécessaire, mais si cela n'existe pas, tout le reste devient parfaitement inutile. Je pense que le Christ a été d'abord un pasteur, avant d'être un administrateur, avant d'être un président, il a d'abord été un pasteur qui se déplaçait à toute vitesse pour rencontrer des grappes d'humains, pour être leur ami, pour leur enseigner à l'occasion de tous les prétextes qui se présentaient. C'était ça, comme ça que le prêtre premier, celui dont les autres prêtres ne sont que, si vous voulez, les serviteurs, les ministres, les prolongements visibles actuellement, c'est comme ça qu'il a défini la fonction du pasteur. Et je pense que c'est la fonction de curé qui est la fonction fondamentale, par conséquent. Ou curé ou vicaire, enfin, le prêtre qui est dans la paroisse. Alors, c'est pour ça que j'étais très, très heureux, je suis encore très heureux d'y être, même si c'est dur à bien des moments, parce qu'on partage les anxiétés de toute l'Église et du monde entier d'ailleurs, qui cherche des voies nouvelles partout. Alors, ce n'est pas sécurisant que d'être curé, mais c'est très stimulant et c'est très authentique, je crois. Il y a des problèmes de pastoral, Raymond Lavoie, je pense, par exemple, ce que certains avaient appelé cet ordre au pape au sujet de la pilule. Écoutez, je vous ai dit que je m'étais beaucoup intéressé à... Il ne faut pas confondre une attitude avec un titre de journal. Je le fais volontairement. Oui. Je me permets de vous tirer la pipe un peu. Non, c'est peut-être un peu une boutade qui est survenue finalement. Non, c'est pas une boutade, c'était authentique, ça. Il est certain qu'étant assez mêlé à la pastorale familiale, j'avais gardé, même curé, des liens avec des cadres qui s'en préoccupaient. J'avais été invité à plusieurs reprises à parler sur le sujet, soit à la radio, soit à la télévision. Et finalement, j'avais rencontré aussi beaucoup de mes confrères qui avaient pris position de façon définitive et irrévocable dans le sens de ce qu'on appelait le rapport de la majorité, mais qui n'a malheureusement pas été, je pourrais dire, l'orientation acceptée par le Saint-Père dans son encyclique Humanae Vitae. Pour rappeler peut-être, je me permettrai de reciter ce qui avait été dit dans les journaux à ce moment-là, que le pape dise n'importe quoi, mais qu'il dise quelque chose au sujet. Oui, c'est ça. Je pense. Ça n'a peut-être pas été facile quand il l'a dit, par exemple. Non, ça n'a pas été facile et ça ne l'est pas encore aujourd'hui. C'est un très grave problème, c'est bien sûr. Mais il reste que le besoin que nous avions, c'était d'abord de savoir ce qu'il pensait, le Saint-Père. Parce que finalement, tout le monde se faisait sa petite théologie dans un domaine qui est extrêmement grave et qui engageait les gens dans des voies qui pouvaient être révoquées un jour. Et si bien quand ça fait 2 ou 3 ans qu'on entend le père un tel ou le père un tel ou monsieur l'abbé un tel dire une chose et que finalement le pape vient annoncer que c'est justement pas ça qui est vrai, on a des réactions terribles de la part de la population. Le délai, qui était probablement nécessaire, a été utile à certains points de vue, parce qu'il a permis peut-être une réflexion plus prolongée, mais a sûrement été dommageable à beaucoup d'autres points de vue aussi. Si bien que je pense que ça pouvait s'expliquer. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup mieux de dire il faudrait que le pape le dise, enfin, d'un côté ou de l'autre, oui ou non, mais qu'il le dise. Je trouve que c'est beaucoup plus respectueux du pape que d'avoir décidé, même s'il avait demandé de ne pas le faire, décider en son nom, justement, qu'il se prononcerait dans tel sens, alors qu'en fait, il s'est prononcé dans un autre sens. Je me sens meilleure conscience d'avoir dit ça, même si ça fait un titre un peu bruyant dans un journal, à un moment donné. Qui sait, peut-être que ça l'a influencé. Oh, bon, non, pas exemple. Raymond Lavoie, je n'ose pas dire, certains ont dit de vous que vous aviez voulu faire un peu de politique en étant candidat à l'échevinage ici à Québec, échevin de votre quartier. Moi, je dirais plutôt préoccupé du bien-être spirituel de vos oies, et vous l'avez été aussi de leur bien-être matériel. Et sans vouloir faire de la politique, vous êtes intéressé à la chose publique. Avec, disons, les résultats qu'on sait aujourd'hui, cette expérience-là, qui a été tout de même assez brève dans votre vie, vous a laissé quoi? Bien, si je me situe devant l'objectif que j'avais, fondamentalement, je me demande moi-même qu'est-ce que ça a laissé. Je ne voulais pas devenir échevin de la ville de Québec, ni maire. Je voulais que les idées avancent. Je voulais que les choses changent. Je voulais que la justice sociale soit accomplie. Je voulais que le milieu sous-prolétarisé ou en voie de sous-prolétarisation, en bonne partie au moins, dans lequel je vis, soit un milieu qui recommence à recevoir une invitation à la promotion humaine, qui retrouve le sens de sa dignité, qui ne continue pas à se détériorer profondément, comme c'est le cas actuellement, sur le plan humain et sur le plan chrétien. C'est toujours concurrent, ça va toujours ensemble. Les deux plans sont à traiter en même temps. Je voulais pas que l'Évangile soit quelque chose dont on parle, mais dont on ne pratique pas. Les catholiques l'ont trop souvent fait, et trop longtemps fait ceci. Avec le résultat que ce sont des gens qui sont contre Dieu, qui ont finalement été obligés de prendre la défense du prolétariat, et qui, avec de fausses doctrines, essaient de faire accroire au prolétariat qu'ils vont le relever maintenant de ses décombres, et de sa traditionnelle déchéance sociale, je pourrais dire. Alors, je voulais que ça puisse être vrai, que l'Évangile est vécu. Et quand, après plusieurs années de lutte, de dialogue, les citoyens avec lesquels je travaillais, le comité des citoyens, est arrivé à la conclusion qu'on n'avançait vraiment pas, on était toujours au même point, et qu'il n'y avait rien qui débloquait sur le plan du logement, qui était tellement important, comme nous le laissions entendre un peu plus tôt, tout à l'heure. Alors, je me suis dit, s'il faut faire une lutte électorale pour avancer, c'est mieux que de casser des vitres, c'est mieux que d'acheter de la dynamite, c'est mieux que devenir anarchiste. Il faut éviter l'anarchie. Bien sûr, c'est un très grand malheur. Alors, on a cherché des candidats, et finalement, de l'avis d'un bon nombre de mes amis, de mes collaborateurs, du comité des citoyens, j'étais vraisemblablement l'un de ceux qui pouvaient avoir le plus de chance de livrer une bataille comme celle-là avec succès. Je me suis laissé gagner par cette opinion-là. Je suis arrivé à la partager dans une certaine mesure aussi, Alors, j'ai dit, je me présente aux élections. Ça a eu comme résultat qu'il a fallu faire des tractations pour que la charte de la ville soit modifiée, parce que c'était défendu pour ceux qui sont dans les ordres sacrés de se présenter. C'est comme ça dans les statuts de la province du Québec, d'ailleurs. Et ça a été modifié, ça, par l'intervention d'un juge actuel de la Cour supérieure et par d'autres pressions qui sont faites dans la presse. Ça a amené beaucoup de bruit. Ça a donné l'occasion de parler beaucoup du problème de la pauvreté qui est un phénomène social et pas simplement un phénomène économique individuel. C'est un phénomène de classe aujourd'hui. Alors, je voulais qu'à travers tout cela, qui est une façon existentielle d'annoncer un problème et de chercher une solution et de presser pour que la solution soit procurée, je voulais être un meilleur prédicateur. C'est avant tout cela que je voulais. Si je me situe dans cette perspective-là, je me dis, peu importe que j'ai gagné ou perdu mes élections, tout le monde les a perdues d'ailleurs aux dernières élections, c'est peut-être pas un succès. Ça a laissé de l'amertume au fond de vous, Raymond Lavoie ou... Non. Personnellement, moi, j'aimais mieux ne pas gagner. Ça aurait été une terrible affaire après. Oui, un peu le chambardement qui aurait fallu que j'impose à mes habitudes de vie pour devenir autre chose. Alors, autre chose que ce que j'ai été depuis toujours, c'est-à-dire un prêtre et un curé qui fait de son mieux. Il aurait fallu me refaire presque complètement, il y a 50 ans maintenant. Non, ça n'a pas laissé d'amertume. Ça m'a laissé une déception pour les gens dont j'étais, je croyais être un peu le porte-parole, un peu l'ambassadeur. Parce que je me dis, pour eux autres, c'est un peu une rebuffade. Oui. Ça vous a peut-être permis de réaliser, au fond, ce dont vous avez parlé votre père au début, l'isolement. Oui, ça, je vous avoue que j'ai éprouvé ça. Moi, j'appartiens au milieu bourgeois par ma famille, mais j'ai l'impression que je suis actuellement répudié par le milieu bourgeois de Québec, parce que j'ai osé aller jusque sur une tribune électorale pour parler de mes pauvres, comme on dit. Et que ça, c'est une audace qu'on peut se permettre quand on a les couleurs traditionnelles, mais si on arrive au nom d'un mouvement nouveau, vraiment, là, c'est avoir un peu de culot. C'est oublier qu'un curé, c'est un curé, et ça reste dans la sacristie. Moi, vous savez, je ne suis pas capable d'accepter que l'Évangile doive être vécu dans l'Église et que ce ne soit pas du tout important qu'il le soit ailleurs. Et s'il y a moins de gens dans les Églises qu'autrefois, c'est sans doute surtout parce qu'on a voulu vivre l'Évangile surtout dans l'Église en négligeant de le vivre ailleurs. Je crois que si on veut essayer de le vivre réellement, il faut le vivre dans le concret des choses. L'Évangile, c'est le message de celui qui s'est incarné. Et s'incarner, ça veut dire descendre dans la chair de l'homme, dans l'institution de l'homme, ça veut dire marcher avec l'homme dans la rue. Le salut se fait à partir de la rue, il ne se fait pas à partir du tabernacle. On ne voit personne mourir au pied du tabernacle, ce n'est pas arrivé depuis que je suis curé en tout cas. Mais les gens qui meurent dans la rue, il y en a beaucoup, c'est là qu'il faut aller faire le salut. Et on passe au tabernacle, on passe à la messe, parce qu'on rencontre celui qui nous conduit jusqu'en haut. Mais on retourne dans sa maison ensuite, mais c'est là qu'il faut faire le salut. Et c'est justement parce que je me disais, il faut absolument qu'on accepte cela, que j'ai dit, courons le risque, quoi. Et courons le risque démocratiquement, hein. Il faut respecter l'institution où l'on vit, il faut l'aimer. Eh bien, je pense que ce tour de vos expériences nous a permis de réaliser combien vous aimiez la vie et combien vous aimiez vos semblables. Raymond Lavoie, merci beaucoup. Bonjour François. Vous venez d'entendre l'émission L'expérience des autres, animée par François Babie. Nous vous invitons à rencontrer une autre personnalité la semaine prochaine à la même heure. Au microphone, Yvon Poirier, à la régie technique, Jacques Parent. Cette émission a été réalisée à Québec par Guy Dumais.